Bonjour, je suis Michel. Je crois utile de préciser que je suis prostituée. Ça a une importance peut-être dans ma réflexion. Je suis la grosse bête écorchée, mais toujours vivante.